Azalak asokina vanzili kambongo Mote me kutinanga Namisalatana de Mayeba taweze mate kakawa nzazi Masombo yanga mungi Akuma yanga yasipu Zamo yezanga nyama Izalilo kola mwusu ya butaka Tizambika nyuzara kande nanga mbuya butumbe yangu Nchaso mamele na kamwasi mbundote Ouais. Le maître du double demeure, Quadracura. Je veux dire, Mandela, Nelson, non Michael Jackson, grand prêtre. Il va quitter un souvenir dans ma vie. Papa la Kuna, Demo Babula, Double King, tout le monde est en courant en South Africa. C'est-à-dire, footballeur Oyo, je joue un handball, je joue un peu pour battre un gars, je vais aller à la réunion. Il y a un foot, je vais battre un hand. Je vais aller à la réunion. On a fini, quoi. Oh, mwana ya sa majesté, hafi miko, zala maele, nara vi alelo yo. Hafi miko, basa alelo yo, nana yeleke, mbalinge sebanzwa kaminge. Mapo ya mabala, kakamba detouri mami bala bantina yu, nana zala un problème. Nasengo wapanzaki, kenga mwuzina yo. Zoka na yebite, soki ufana na kiti, tona jiti kwala. Olse yango soki ayoto, uzasen pe representan. Tutika, kumiko sana umau. Chai kimpia tumau. Chai chai mamu. Akoselinga chai nangai chai kimpia tumao chai mamu ezali kumplwa mbanda nangai Double King kwa mambo kinkisteri muntu wa zamani Jean-Pierre.